C'était Olga, signée Émilie. Thank you.

Merci. Donc celui-ci, c'est tout nouveau. C'était pas prévu de jouer en public non plus. Donc tu fais ton petit truc chez toi, bien tranquille, puis après on dit ouais tiens, ça tu veux jouer. Mais... Les allumettes qu'on a jetées, petites allumettes, par trou de l'évier, par trou de l'évier, elles sont parties, reviendront plus. Les allumettes qu'on a jetées. Les allumettes reviendront plus, sauf si la ville est inondée. Alors on les verra passer, les allumettes qu'on a jetées. De la fenêtre, elles vont flotter, les allumettes oubliées. Et là, on a un superbe solo de Mélodica. Merci. Thank you. C'était encore un morceau composé avec Sacha. Enough your relax and float and stream. It is not die, not die. Lay down all thoughts around you to the void. It is shining, it is shining. Yet you may see the meaning of within. It is being, it is being. It is knowing, it is knowing. But listen to the color of your dreams. It is not living, not living. Ça va ou ouais. Ça va bien. Parce que nous on fait nos trucs, on sait pas où. Thank you. Troisième prise. c'était une autre composition avec Sacha. Maintenant, un vieux morceau de Creeper Eye, chanté par Emily. Thank you. besoin d'un chanteur. Il y avait un certain début qui avait chanté pas trop mal. Qui voulait bien se donner la peine. Il y avait une bonne. Attends, bon, hein. Non, ou un gratte, gratte. Un gratte, gratte. Je l'ai vu, moi, c'est gratte, gratte. Ça va aller? Yes, ça va aller. On fait comme on a dit. Ouais. Je veux remercier Clément à la technique d'avoir toute la soirée. Merci. Ça va aller. Merci. Des chansons qu'on a faites avec Christophe, à ma droite, qui est pareil. Des textes que j'ai écrits en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai demandé à Christophe de les mettre en musique, qu'il a fait d'une manière remarquable. Et voilà. Mais c'est pas drôle. Et c'est pas du tout la même version sur l'album. Hein. Non, bien bah sûr. Non. There is no God to save you, but you have me. Chanson qui milite contre le pour changer les billets américains où c'est marqué In God We Trust. Vous avez bien compris, bien sûr. J'explique quand même parce que tu es dans le secteur. Bien. À toi. Oui, d'accord. Vas-y, va. Thank you. embrassé. Soin, soin. On la refait, c'était trop, trop long.